Tu danses, ça fait du bien. Pourquoi tu penses, c'est comme ça vient. Pourquoi tu te presses, parce qu'il faut bien. Pourquoi tu chantes, ça fait du bien. Pourquoi tu te vantes, c'est comme ça vient. Pourquoi tu stresses, ça j'en sais rien. Pourquoi tu joues, ça fait du bien. Pourquoi t'es sous, c'est comme ça vient. Pourquoi t'espères, parce qu'il faut bien. Pourquoi tu ruses, ça fait du bien. Pourquoi t'abuses, c'est comme ça vient. Pourquoi tu perds, ça j'en sais rien. T'achètes, ça fait du bien. Pourquoi tu jettes, c'est comme ça vient. Pourquoi tu gueules, parce qu'il faut bien. Pourquoi tu te mens, ça fait du bien. Pourquoi tu te vends, c'est comme ça vient. Pourquoi t'es seul, ça j'en sais rien. Pourquoi tu pleures, ça fait du bien. Pourquoi t'as peur, c'est comme ça vient. Pourquoi tu rêves, parce qu'il faut bien. Pourquoi tu ris, ça fait du bien. Pourquoi t'oublies, c'est comme ça vient. Pourquoi tu crèves,